Chapitre 13e. La horde de brutes. Tout à coup, ils perçurent des bruits lointains de conversations qui se rapprochaient. Béranger arrêta la charrette. Aux éclats de voix, ils comprirent que la troupe était nombreuse et venait dans leur direction, éclairée par plusieurs lanternes. « Je sais ce que c'est !» s'écria Nisset. « Ce sont les sbires du père Rive qui vont nous saloper le travail. S'ils s'en mêlent, je ne réponds de rien. »« Attendons qu'ils arrivent, » conseilla Béranger. « Nous allons négocier. » Après tout, des bras supplémentaires ne sont pas de refus en cas de coup dur. « Oui, mais l'initiative nous revient !» se récria Nisset. « Il n'est pas question que nous perdions le contrôle de l'affaire. Ils sont fichus de nous l'assassiner, ces furieux !» Lorsque la troupe du père Rive fut à portée de lanterne, Béranger fit signe au premier de s'arrêter. « Qui vous commande ? » demanda-t-il. « Et toi, qui es-tu ? » lui fut-il répondu. « Nous avons été requis par les amis de la Constitution pour arrêter Pascalis. » Au nom de notre union, je vous demande de vous joindre à nous qui sommes les premiers. Il est complètement inutile de transformer cette opération en bain de sang. Nous avons mûrement préparé notre coup, la chose est déjà faite, vous arrivez trop tard. Comment, comment ? Se récria un des hommes. Après les serments de fraternité que nous avons prononcés, voulez-vous qu'on s'entretue ? Repartit Anisset. Nous avons déjà pris le renard au gîte sans verser une goutte de sang. Arrêtez de gueuler, nom de Dieu ! Tu sais ce que j'en fais de ta fraternité ? « Nous avons des ordres du père Rive et nous les exécuterons. Lui seul, ce qu'il est bon de faire pour le peuple. Allez, repartez d'où vous venez et laissez-nous faire, tas de gueux. Remettez-nous le prisonnier. » Anisset et Béranger étaient notoirement connus et jouissaient d'une réputation de vrais révolutionnaires. Grâce à elles, le pire fut évité. Mais les hommes serraient les rangs. Anisset fut sur le point de décharger son arme dans la face du Jean Foutre qui voulait commander. Une grande gueule comme il y en avait malheureusement beaucoup chez les clubistes de Rive. Une brute qui n'avait ni Dieu ni diable et dont la cervelle se trouvait quelque part entre le ventre et le sexe. Mais Béranger prévint son geste et lui baissa le bras. « Malheureux, tu vas tous nous faire tuer » dit-il à voix basse. « Je me doutais bien qu'ils allaient contrecarrer nos plans, » murmura Manon. « Veuillez nous pardonner, monsieur Pascalis, ce désastre n'était pas prévu, » ajouta-t-elle d'un ton désolé. Éclairant à la ronde le groupe de sa lanterne, sous les grondements de la meute, l'homme finit par découvrir Pascalis assis à l'avant de la charrette. « Il est là ! Il est là !» crièrent au même moment les autres. La brute agrippa Pascalis et le tira au bas de la charrette si rudement qu'il chut lamentablement à terre comme un paquet au milieu des rires et des hurrahs de la troupe. Le cri « On l'a ! On l'a !» se répercuta de rang en rang. « Debout, carogne !» dit l'homme en lui décochant un coup de botte. « Ah, tu fais moins le fier. C'est toi qui nous prédisais des malheurs, hein ?» « Eh bien, les malheurs arrivent, tu vois, mais ils sont pour toi !» Là-dessus, il partit d'un rire gras et inextinguible, imité par tous les hommes. « Attachez-moi cet animal et solidement !» Ils lièrent les mains de Pascalis dans le dos et repassèrent la corde autour du cou, si bien que, pour ne pas s'étrangler, le magistrat devait garder la tête en arrière. Choqué, déchu, trahi, il vacilla un moment sur ses jambes. Intérieurement, il se consola d'avoir embrassé pour la dernière fois Baptiste, qu'il ne reverrait désormais jamais plus. Et quelle n'aurait été sa détresse s'il avait su que son secrétaire, prévenu secrètement d'une imminente arrestation, ne lui en avait rien dit, préférant terminer son repas. À partir de ce moment-là, il se considéra comme un mort-vivant. Le groupe de Béranger se mit à l'écart, loin de la lueur des lanternes. L'un des sbires voulut prendre la charrette, tandis qu'un autre glissait ses mains sales sous les jupes de Manon. Dans la demi-obscurité, Béranger étrangla le premier, promptement et sans bruit. « En voilà au moins un de moins, » dit-il d'une voix neutre. Il traîna son corps le long d'une haie, pendant que Manon, se débattant, fracassait la tête du second d'un furieux coup de crosse. « Mon Dieu !» se lamenta-t-elle. « Allez, » annonça Nisset, « tirons large, avant que nous y passions tous. » Les amis, car ceux-ci étaient des amis et non un ramassis de brutes épaisses, attendirent que les clubistes prennent de l'avance pour ne pas avoir à cheminer avec eux. Ils eurent ainsi le temps de digérer leur rancune et leur haine. Anisset se doutait bien que cette soi-disant union sacrée n'était en fait que le mariage de la carpe et du lapin. Même si les intentions étaient en apparence identiques, Anisset et ses amis se demandaient ce qu'ils pouvaient bien avoir de commun avec ces espèces de brutes. Les motivations ne pouvaient pas être les mêmes, c'était absolument certain. Ils ne voulurent pas passer par le même chemin que la meute de Rive et rejoignirent la route de Sisteron à la hauteur du hameau des Platanes. Manon fut soudain prise d'un dérèglement nerveux qui faisait trembler tout son corps à tel point qu'elle faillit tomber de la charrette. Anisset en était bouleversé et ne savait plus quoi faire. « Tu as dû prendre froid, » viens contre moi, tu as peut-être de la fièvre. Ne t'inquiète pas, ça va passer. » Catherine, la femme de Béranger, lui toucha le front. « Elle n'a pas de fièvre, mais je sais ce qu'elle a, vaille. C'est la première fois que tu tues un homme, hein, ma belle ?»« Sur le moment, ça ne fait rien, mais c'est après qu'on a le contre-coup. » Comprenant que cette femme avait senti son désarroi, Manon se jeta dans ses bras et fut secouée d'énormes sanglots. Catherine la berça doucement en la serrant contre elle. « Pleure, pleure, ma belle, ça va te dégager. » Arrivée à Aix, la troupe se sépara, la mine basse, le moral dans les talons. Chacun ne put trouver que quelques instants de sommeil. Rien ne serait plus comme avant. Le bel enthousiasme était parti, laissant place pour l'avenir, au doute et à la circonspection. Anissé et les autres pensaient déjà à la mort de Pascalis, bien qu'il fût encore vivant. Le retour de la troupe des clubistes vers Aix fut en revanche un voyage apocalyptique digne d'un carnaval. Certains continuaient à s'aviner, hurlant comme des bêtes. D'autres, instrumentalisés par Yves, attisaient les haines, prônant des flots de sang. Des ribaudes s'étaient jointes aux hommes et certaines n'hésitaient pas, malgré le froid, à forniquer à la sauvette contre le tronc d'un arbre. On aurait vraiment dit un sabbat de sorcières revenant d'une grande messe noire. Pascalis était dans un état de quasi-inconscience. Tous ses sens s'étaient fermés, incapable de réfléchir. Il se laissait bercer au gré de la marche, à coups de bourrade quand il n'allait pas assez vite. Des femmes étaient venues lui cracher dessus, d'autres lui montraient leur cul avec des rires démoniaques. Dans un éclair de lucidité, il se dit que la déchéance n'était pas pour lui, mais pour ceux qui savaient ces à de telles horreurs. Et dire qu'il avait passé sa vie à défendre les droits et les libertés d'être si abject. Quelle prétention, quelle dérision aussi. Bien avant que la troupe n'arrivât devant la porte Bellegarde, son chahut attira une populace avide de participer à la liesse. Plus d'un voulait saigner Pascalis, là, comme un porc, au beau milieu de la rue Bellegarde. Non sans mal, on parvint à l'amener à l'hôtel de ville où il fut jeté dans un cachot dont le soupirail donnait rue Vivot. La foule se pressa devant l'ouverture. C'était celui ou celle qui trouverait l'insulte la plus salace, celle qui ferait rire le plus de monde. Pascalis comprit alors qu'il ne trouverait pas une seule seconde de repos, car tous ceux qui arrivaient à Aix voulaient aller voir le traître à la patrie, comme on va se repaître du spectacle d'une bête curieuse. Restés à la mairie, Corentin et Armande avaient trouvé refuge dans le renfoncement d'un couloir et s'étaient emmitouflés dans une grande couverture. Appuyés l'un contre l'autre, ils arrivèrent à dormir quelque peu. Le tumulte de l'arrivée de Pascalis les réveilla en sursaut. Courbattus malgré leur jeunesse, les quelques premiers pas qu'ils firent leur coûtèrent. Corentin suivait le groupe qui violentait Pascalis jusqu'au cachot dont il avait fait la connaissance quelques jours avant. Cette brutalité gratuite et animale le révoltait. Armande faillit s'interposer, mais fut retenue à temps par son amant. « Mais tu es folle, ma pauvre. Ne vois-tu pas à qui tu as affaire? Veux-tu aller croupir avec lui? Car c'est ce qui va t'arriver à coup sûr. » « Tout de même, » fulmina-t-elle, « on ne traite pas un homme ainsi. Il n'a tout de même pas égorgé toute sa famille. » On fouilla Pascalis des pieds à la tête. On trouva sur lui quelques lettres, qui, à part le nom de leurs auteurs, n'apprirent rien de plus sur les préparatifs d'un éventuel complot. Mais il fallait à la bande de clubistes sanguinaires une autre victime. Dès Pascalis enfermé, on repartit en chasse et la bande se dirigea vers l'hôtel de M. d'Aiguille, président de la Cour des comptes. Après avoir forcé les portes, on le trouva en chemise au milieu de ses enfants apeurés qu'il tentait de protéger. Corentin et Armande, ayant suivi la meute pour tenter d'atténuer les dégâts, ne purent se contenir devant ce lamentable tableau. D'Aiguille jouissait d'une réputation d'homme débonnaire et Corentin se mit à crier, dominant tous les autres de la tête. « Monsieur d'Aiguille est un brave homme, laissez-le. Pourquoi n'allez-vous pas chercher le marquis de la Roquette ?» Il suffisait de pas grand-chose pour faire changer de cap à cette troupe folle. Aussitôt, on approuva ce choix avec enthousiasme, et tous se ruèrent vers la rue Nazareth, où demeurait de la Roquette. « Pourquoi lui ?» demanda Armand en déballant la rue. « Parce qu'un jour, son cocher a écrasé une gosse et le peuple lui en veut toujours pour cet accident. Si je comprends bien, tu as procédé à un échange, tu as sacrifié la Roquette pour sauver d'Aiguille. C'est vrai, mais sur le moment, je n'ai rien trouvé de mieux à faire. Ce père, au milieu de ses enfançons, c'était insoutenable. » Ne voulant assister à la scène chez de la Roquette, Corentin et Armande restèrent un moment devant l'hôtel d'Aiguille. Un homme de mauvaise mine s'approcha alors de Corentin. De sa lanterne, il reluqua Armande de la tête aux pieds. « Des dieux, elle est encore plus belle de près, ta femme !» Armande n'apprécia pas du tout cette revue de détails. « C'est fini, oui » lança-t-elle. « Doucement, ma belle !» Ton homme a déjà sauvé sa tête après l'assassinat de Larieux. Mais il vaudrait mieux qu'il n'en fasse pas trop, car la prochaine fois il ne trouvera pas grand monde pour le défendre. » Sur le coup, Corentin fut abasourdi. Cet homme, que Corentin n'avait jamais vu, faisait de nouveau allusion à la mort de Larieux. De toute évidence, il semblait également lui reprocher d'avoir maintenant sauvé la tête de M. d'Aiguille. « Armande, va m'attendre plus loin, » glissa Corentin. Il jugea préférable que sa compagne ne reçût pas les éclats d'une bagarre. Apparemment, c'est ce que l'homme cherchait, pour briller stupidement aux yeux de la belle. « Alors, » dit Corentin menaçant, « qu'est-ce que tu as à me raconter sur Larieux ?» L'homme ne se troubla pas le moins du monde. Il leva fièrement le menton pour parler à Corentin qui le dépassait de plus d'une tête. D'évidence, il avait l'habitude de se battre. « C'est moi qui mis Larieux sur l'affaire des Morel. On était trois sur ce coup-là, et on devait partager, une fois la chose faite. C'est moi qui lui ai conseillé ta cave. Tu vois si je te connais bien. Mais quand il devait me porter ma part, comme par hasard, il avalait son bulletin de naissance. Bizarre, non, citoyen ? Si tu témoignes de ça, tu reconnaîtras ainsi que tu participes à une escroquerie et à un vol. Ce n'est pas bien grave, repartit l'homme. Nous n'avons volé personne. Disons qu'on s'est remboursé de l'argent que ce pourri de Morel nous avait escroqué. Mais dis-moi, qu'en as-tu fait de la famille Morel ? Tu les as noyés dans l'arc ? Remarque, il vaudrait mieux pour toi que de leur avoir permis de s'échapper d'Aix. Là-dessus, il partit d'un grand rire sardonique en exhalant une haleine pestilentielle. Ne trouvant quoi dire, Corentin brandit le poing. « Je te retrouverai, cancrela, » dit-il. « moi aussi, citoyen, compte là-dessus. » Armande baissa la tête, découragée. Il fallait maintenant se méfier de tout et de tous. Quelques minutes plus tard, on traîna, d'une manière encore plus lamentable, M. de la Roquette qui fut jeté auprès de Pascalis. Mais tout le long du chemin, et dans la mairie même, les cris « À la lanterne, il faut le décoller !» avaient retenti, soufflés par les agitateurs de rive. Il était 5 heures du matin. Le régiment de Lyonnais était sur le départ. Les choses n'avaient pas traîné. Le régiment d'Ernest étant déjà en route depuis Marseille, les conseillers furent donc d'avis d'annuler le renfort de la garde nationale venant également de cette ville. On craignait en effet que cette troupe ne charriât derrière elle toute une horde de traînes-savates, avides de tout et surtout de désordre. L'assemblée envoya un courrier pour décommander la garde, mais il était trop tard, à mi-chemin, le messager rencontra les 400 hommes du régiment d'Ernest, suivis d'un ramassis d'Italiens, de Grecs, armés de piques et de fusils, prêts à en découdre et surtout à faire la loi. À vrai dire, c'était surtout sur eux que la Bérive comptait. Une heure plus tard, Anicet et Manon s'éveillèrent, encore choqués des événements de la veille. Mais où étaient passées Jeanne et la sœur Sainte-Cécile ? Plus de traces, ni de l'une ni de l'autre. « Mon Dieu ! » se mit à gémir Manon. « Que leur est-il arrivé ? Ils sont venus chercher la sœur, j'en suis sûr. Mais non, calme-toi. Les portes et les fenêtres n'ont pas été forcées. Je vais aller chez Jeanne. Elle l'a peut-être amenée chez elle. » Il traversa la rue pour aller taper au volet de Jeanne. Cette dernière était au lit avec la sœur. Jeanne, couchée sur le dos, serrait contre elle la religieuse. Celle-ci avait posé la tête sur l'épaule de Jeanne dont elle enserrait la poitrine de son bras. Pose alanguie, pleine d'affection partagée. Hors de question d'imaginer que les deux femmes s'étaient découvertes des mœurs libertines. Non, cela leur était venu naturellement, comme entre deux êtres qui s'abandonnent l'un à l'autre. Les traits reposés de Jeanne étaient réguliers et presque harmonieux. Quant à la sœur, son visage avait retrouvé sa beauté diaphane. Elle bavardait à voix basse, lourde de secrets partagés, s'appelant par leur prénom. « Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Angèle ?» demanda Jeanne. « Tu n'as pas de famille ?»« Ma mère exceptée, toute ma famille est morte de la peste, et j'ai perdu maman il y a 2 ans, ce qui fait que je n'ai plus personne. Et puis de toute façon, les gens d'église sont chassés de partout. Mais pourquoi quittes-tu les ordres ?»« Parce que je ne suis plus pure, Jeanne. J'étais forcée de commettre des choses abominables. Tu sais, la plupart des femmes les commettent, ces choses-là. Ce n'est pas pour cela que Dieu les donne. Oui, mais elles le font par amour. Pas toujours, corrigea Jeanne, et souvent même sans aucun plaisir. Un peu comme toi, finalement. Tu n'es vraiment pas au fait de toutes ces choses, ma pauvre Angèle. Mais j'ai trompé Jésus, mon époux, celui à qui j'ai voué ma vie. » Jeanne, qui dans le fond n'était pas sotte, lui répondit avec à propos. « Et si tu considérais que tu as été une martyre au service de Dieu ?»« Ça, ma Jeanne, c'est un peu facile. » C'est à ce moment qu'Anicet frappa au volet. Sans bouger, Jeanne cria « Qu'est-ce à quoi ?»« C'est moi, Anicet. La sœur est avec toi ?» Oui, entre, je crois que je n'ai pas fermé la porte hier. » Anicet les considéra toutes les deux, un peu surpris tout de même de les trouver au lit. L'idée de Luxure lui effleura l'esprit, mais bien vite, il imagina ce qui s'était passé. Toute une partie de la nuit, Jeanne avait dû consoler la sœur sur les malheurs qu'elle avait vécus et dont Manon lui avait parlé à leur réveil. « Ne vous dérangez pas, mesdames. Vous n'aurez qu'à venir nous rejoindre quand vous serez levées et habillées. » L'emploi du terme « mesdames » prouvait à lui seul que le bel enthousiasme patriotique d'Anicet s'était fissuré. Les vieilles habitudes pré-révolutionnaires lui revenaient. « Il est gentil, cet Anicet, » déclara Jeanne, les yeux au plafond. « Mais il est marié. »« Tu gardes encore cet espoir ?» répondit Angèle d'un ton désabusé. « Et pourquoi pas ?» repartit Jeanne, en souriant. « Je n'ai pas fait de vœux, moi. » « D'accord, j'ai l'âge que j'ai, mais après tout, je peux garder l'espoir. Tiens, je te présenterai à Hyacinthe, le cordonnier. En voilà un qui n'a pas eu la vie facile, moi non plus d'ailleurs. La solitude lui pèse et il n'est pas heureux tous les jours. »« Un peu comme toi, donc ?» ajouta Angèle, amusée. « Moi, je suis bien avec toi. Je crois qu'on s'entendrait bien toutes les deux. »« Oh, tout doux, ma belle. Tu sais, j'ai mes défauts et des gros. Jusqu'ici, je me saoulais assez souvent. Et quand je suis empégué, je déparle assez facilement et je deviens méchante. Mais depuis quelque temps, je me suis assagie, » ajouta-t-elle avec douceur. « À cause de Hyacinthe, je suppose ?» dit Angèle finement. « Bah oui, exactement. Et alors ?» s'écria Jeanne avec un ton de défi. Depuis la mort de son mari, elle s'était sentie renaître. Dès son plus jeune âge, elle avait vécu sous le joug de son père, puis, dès 16 ans, de son mari. Battue, humiliée, réduite au rang d'esclave, elle en était arrivée à avoir une piètre image d'elle-même, se demandant quelquefois s'il n'était pas une bête, puisqu'on la traitait comme telle. Maintenant libre, elle sentait son intelligence s'ouvrir, ses pores se dilater, ses poumons se remplir plus librement. Certes, il y avait bien encore quelques lambeaux de ses humiliations. Elle avait par exemple appris par Angèle qu'elle n'avait pas rêvé les gens dans la cave, puisque deux femmes qui y étaient avaient trouvé la mort avec la sœur. Elle n'était donc pas folle, mais n'en voulut pas Hyacinthe de l'avoir obligée à mentir. La vie de Corentin était bien plus importante que sa propre fierté. « J'aime bien Hyacinthe. Il est doux, intelligent et habile de ses mains, » reprit-elle. « C'est un artisan honnête. »« Mais oui, Jeanne, et je comprends très bien que tu ne veuilles pas me garder. » Jeanne se mit sur son séant et rejeta la couverture. « Oh, mais tu te trompes complètement, ma fille. Même si Hyacinthe se découvre un penchant pour moi, ce sera chacun chez soi. Jamais plus je ne me ferai commander par un homme, tu entends ?» C'est ça la révolution, liberté, égalité et encore égalité. Non, Jeanne, c'est liberté, égalité, fraternité. La fraternité, je m'en fous, je n'ai pas de frère, moi, répondit Jeanne dans un éclat de rire. Après s'être débarbouillée et habillée, elles traversèrent la rue pour aller chez Anicet. Manon les reçut à bras ouverts. Ah, vous m'avez fait faire du souci, vous deux. Et où voulais-tu que nous soyons, Nigode? Répondit Jeanne. « Nous ne sommes pas restés ici parce que je ne voulais pas coucher dans ton lit. »